S'il a commencé un cursus scientifique en suivant une formation d'ingénieur, à 19 ans, il décide de changer du tout au tout et commence à travailler dans des ateliers de bande dessinée. Il rencontre en 97 Savin Yetmanefel, alors directeur d'écriture au studio Gaumont Multimédia Futur Xylem. Ce dernier, peu satisfait des séries sur lesquelles il travaille, cherche de jeunes dessinateurs pour l'accompagner sur de futurs projets et notamment sur ce qui deviendra plus tard Oban Star Racer. Entre-temps, Thomas Romain part se former du côté de l'école des Gobelins, une des meilleures en ce qui concerne la formation pour le dessin animé traditionnel à l'époque. Pour l'anecdote, il se retrouve dans la même promotion qu'un certain Riyad Satouf et Jérémy Perrin dont je vous conseille de regarder les courts-métrages. S'il se tourne vers le Japon, c'est aussi au regard de la production de l'époque, Cowboy Bebop, Evangelion, Princesse Mononoke trouvant davantage grâce à ses yeux que des productions Disney bien en deçà des standards. Pour l'anecdote, à l'époque des Gobelins, le projet d'étude n'est pas de créer un court-métrage mais un générique qui était diffusé alors à la fin du festival d'Annecy. Le projet sur lequel Thomas Romain était superviseur est devenu au final Code Lyoko, une série bien connue des téléspectateurs de France 3 et qui mélangeait déjà 2D et 3D. Devant choisir entre l'un et l'autre, il décide de s'impliquer alors totalement sur Oban Star Racer. Thomas Romain est co-réalisateur sur la série avec Savin Yetmanefel. Pour résumer, le premier dessine quand le second s'occupe du script. Thomas Romain travaille principalement sur les image boards, étape nécessaire pour communiquer les intentions visuelles aux storyboarders japonais. Son rôle était également de superviser tout l'aspect esthétique ainsi que les courses de pod. Dès la fin d'Oban, Thomas Romain se retrouve du côté du studio japonais Satellite, sur lequel il travaille en tant que designer des décors. Sur son temps libre, il met en place un projet de science-fiction qui tourne autour du basket. Son idée plaît et se retrouve entre les mains de Choji Kawamori. À l'origine des Valkyries de Macross, il a aussi été mecha-designer sur Ulysse 31. Si l'idée sera relancée de zéro, c'est bien de Basquage dont on parle, mélange étrange et détonnant de robots et de basket. La série est diffusée alors au Japon en 2009. Si par la suite il a continué à travailler sur des projets qui n'ont pas connu un grand écho en France, il occupe régulièrement des postes d'art designer comme pour Bodacious Space Pirate ou de conceptual designer avec Nobunaga The Fool. Mais son actualité s'est voulue plus incitante avec son travail sur Space Dandy. Dans la série dirigée par Shinichiro Watanabe, il est spaceship designer, rien que le titre est classe et il est à l'origine du vaisseau de Dandy, le Aloha-Oe, mais aussi de son antagoniste, le Carnegie Lemon. Deux vaisseaux au design atypique mais qui montrent la qualité de son travail dans une production de haut niveau qui a su intégrer de nombreux occidentaux tels que le français Emeric Kevin, décorateur, ou l'autrichien Bai Jide, animateur. Lui-même explique qu'il a évolué au niveau de son travail, s'intéressant davantage aux conceptions des mechas sous l'influence entre autres de Kawamori et de Stanislas Brunet, mecha designer qu'il a rencontré à l'époque sur Oban Star Racer. S'il fait partie des Français qui ont réussi à s'intégrer au Japon dans le domaine ultra concurrentiel de l'animation, il reste tout de même réaliste quant à ceux qui souhaiteraient intégrer ce milieu. Ce n'est pas très bien payé et il faudra démontrer sa motivation sur le long terme, tout en apprenant une langue et des codes bien définis par le pays. Pour finir, je vous conseille de lire sa très longue interview sur le site manganimation.net et ainsi que celle parue dans le magazine Coyote Mag numéro 50, toutes les deux riches en enseignements sur son travail en particulier et sur l'animation en général.